Unité 65. Conversation. Écoutez. 1. Les prix des appartements à vendre sont affolants. 2. Oui, ce qui signifie que très peu de gens peuvent se loger au centre des grandes villes. 3. Désormais, au centre, il n'y a plus que des bureaux. 4. C'est logique, vu les prix. 5. Si bien que ces quartiers sont déserts le soir. 6. C'est évident. Les gens y viennent seulement pour travailler. Répétez. 7. Les prix des appartements à vendre sont affolants. Huit. Oui, ce qui signifie que très peu de gens peuvent se loger au centre des grandes villes. Neuf. Désormais, au centre, il n'y a plus que des bureaux. 10. C'est logique, vu les prix. 11. Si bien que ces quartiers sont déserts le soir. 12. C'est évident. Les gens y viennent seulement pour travailler. Répondez. Répétez. 13. Les prix des appartements à vendre sont affolants. 14. Oui, ce qui signifie que très peu de gens peuvent se loger au centre des grandes villes. 15. Désormais, au centre, il n'y a plus que des bureaux. 16. C'est logique, vu les prix. 17. Si bien que ces quartiers sont déserts le soir. 18. C'est évident. Les gens y viennent seulement pour travailler. Écoutez. Alors, tu viens avec nous ce week-end? C'est dans la poche? Penses-tu? Mes parents ne sont pas d'accord. Je m'en doutais. C'était couru d'avance. Ils ont peur qu'il m'arrive quelque chose. Oh, pauvre petite. Que veux-tu? C'est comme ça. Ils sont un peu vieux jeu. Répétez. 19. Alors, tu viens avec nous ce week-end? C'est dans la poche? 20. Penses-tu? Mes parents ne sont pas d'accord. 21. Je m'en doutais. C'était couru d'avance. 22. Ils ont peur qu'il m'arrive quelque chose. 23. Oh, pauvre petite. 24. Que veux-tu? C'est comme ça. Ils sont un peu vieux jeu. Répondez, répétez. 25. Alors, tu viens avec nous ce week-end? C'est dans la poche? 26. Penses-tu? Mes parents ne sont pas d'accord. 27. Je m'en doutais. C'était couru d'avance. 28. Ils ont peur qu'il m'arrive quelque chose. 29. Oh, pauvre petite. 30. Que veux-tu? C'est comme ça. Ils sont un peu vieux jeu. Écoutez. Finalement, je prends celui-ci. Vous faites bien. De toute évidence, c'est le modèle le plus perfectionné. Il a une garantie? Cela va de soi. Ce congélateur est garanti un an. S'il était en panne, vous m'en apporteriez un autre en attendant? Bien entendu, on vous le remplace immédiatement. Et si ce qui est dedans est abîmé? On vous rembourse le tout, cela va sans dire. Répétez. 31. Finalement, je prends celui-ci. 32. Vous faites bien. De toute évidence, c'est le modèle le plus perfectionné. Trente-trois. Il a une garantie? 34. Cela va de soi. Ce congélateur est garanti un an. 35. S'il était en panne, vous m'en apporteriez un autre en attendant. 36. Bien entendu, on vous le remplace immédiatement. 37. Et si ce qui est dedans est abîmé? 38. On vous rembourse le tout, cela va sans dire. Répondez, répétez. 39. Finalement, je prends celui-ci. 40. Vous faites bien. De toute évidence, c'est le modèle le plus perfectionné. 41. Il a une garantie? 42. Cela va de soi. Ce congélateur est garanti un an. 43. S'il était en panne, vous m'en apporteriez un autre en attendant. 44. Bien entendu, on vous le remplace immédiatement. 45. Et si ce qui est dedans est abîmé? 46. On vous rembourse le tout, cela va sans dire. Écoutez. Il semble que les enfants n'aient pas envie de venir avec nous ce week-end à Strasbourg. Ah bon? Tu crois? Et pourquoi? Ils ont beaucoup de travail, à ce qu'il semble. On ne dirait pas. Je ne les vois jamais travailler. Il me semble que tu exagères un peu. Répétez. 47. Il semble que les enfants n'aient pas envie de venir avec nous ce week-end à Strasbourg. 48. Ah bon? Tu crois? 49. Et pourquoi? 50. Ils ont beaucoup de travail, à ce qu'il semble. 51. On ne dirait pas. Je ne les vois jamais travailler. 52. Il me semble que tu exagères un peu. Répondez, répétez. 53. Il semble que les enfants n'aient pas envie de venir avec nous ce week-end à Strasbourg. 54. Ah bon? Tu crois? 55. Et pourquoi? 56. Ils ont beaucoup de travail, à ce qu'il semble. 57. On ne dirait pas. Je ne les vois jamais travailler. 58. Il me semble que tu exagères un peu. Écoutez. On ne sait plus vers quelle branche orienter les enfants. J'ai un conseil à te donner. Lequel? Il faut qu'ils deviennent artisans. Il n'est pas impossible que tu aies raison. C'est vrai, il faut se rendre à l'évidence. Les métiers intellectuels ne nourrissent plus leur homme. Répétez. 59. On ne sait plus vers quelle branche orienter les enfants. 60. J'ai un conseil à te donner. 61. Lequel? 62. Il faut qu'ils deviennent artisans. 63. Il n'est pas impossible que tu aies raison. 64. C'est vrai, il faut se rendre à l'évidence. Les métiers intellectuels ne nourrissent plus leur homme. 65. On ne sait plus vers quelle branche orienter les enfants. 66. J'ai un conseil à te donner. 67. Lequel? 68. Il faut qu'ils deviennent artisans. 69. Il n'est pas impossible que tu aies raison. 70. C'est vrai, il faut se rendre à l'évidence. Les métiers intellectuels ne nourrissent plus leur homme. Écoutez. Les parents souhaitent que leurs enfants fassent des études longues. Pourtant, à ce qu'il paraît, on manque de travailleurs manuels. Personne ne veut plus être boulanger, plombier, mais il n'est pas impossible que ce soit des métiers d'avenir. Répétez. 71. Les parents souhaitent que leurs enfants fassent des études longues. 72. Pourtant, à ce qu'il paraît, on manque de travailleurs manuels. 73. Personne ne veut plus être boulanger, plombier. 74. Mais il n'est pas impossible que ce soit des métiers d'avenir. Répondez, répétez. 75. Que souhaitent les parents pour leurs enfants? 76. Les parents souhaitent que leurs enfants fassent des études longues. 77. Les artisans gagnent bien leur vie? 78. Oui, pourtant, à ce qu'il paraît, on manque de travailleurs manuels. 79. Ce n'est pas facile de trouver des jeunes qui veulent être boulangers, plombiers. 80. Personne ne veut plus être boulanger, plombier. 81. Ces métiers ne sont plus recherchés. 82. Non, mais il n'est pas impossible que ce soit des métiers d'avenir. Écoutez. En attendant, les gens qui travaillent au noir arrondissent bien leur fin de mois. C'est un fait que ça revient moins cher. Je connais par exemple un employé de mairie qui fait des installations électriques après son travail. Donc tout le monde y trouve son compte. Il est probable qu'il gagne plus qu'un professeur. Ce n'est pas impossible que ce soit vrai. Répétez. 83. En attendant, les gens qui travaillent au noir arrondissent bien leur fin de mois. 84. C'est un fait que ça revient moins cher. 85. Je connais par exemple un employé de mairie qui fait des installations électriques après son travail. 86. Donc tout le monde y trouve son compte. 87. Il est probable qu'il gagne plus qu'un professeur. 88. Ce n'est pas impossible que ce soit vrai. Répondez, répétez. 89. En attendant, les gens qui travaillent au noir arrondissent bien leur fin de mois. 90. C'est un fait que ça revient moins cher. 91. Je connais par exemple un employé de mairie qui fait des installations électriques après son travail. 92. Donc tout le monde y trouve son compte. 93. Il est probable qu'il gagne plus qu'un professeur. 94. Ce n'est pas impossible que ce soit vrai.